Chapitre 2. Un intendant de village. Colonies allemandes. Aventure de nuit. En quittant Ekaterinoslav, nous nous dirigeâmes du côté des fameuses cataractes du Dnieper qu'on essaye en vain de rendre navigables depuis plus d'un siècle et dans le voisinage desquelles sont établies plusieurs colonies allemandes. Mon mari ayant découvert l'année précédente une riche mine de fer dans ces localités, nous dûmes nous y arrêter quelque temps pour faire de nouvelles recherches et surtout pour répondre aux politesses du propriétaire de la mine qui depuis longtemps témoignait le désir de nous recevoir chez lui. La maison de M. Marcus, située à quelques verstes des cataractes, dans une position délicieuse, nous offrit tout ce que la vie de campagne peut avoir de plus agréable. Pendant une quinzaine de jours, nous jouîmes des plaisirs de la pêche, du bal et de la musique, tout comme si nous eussions été chez quelque gentilhomme allemand ou anglais. J'ai déjà parlé si souvent du Dnieper que j'ose à peine y revenir. Cependant, ce ne sont plus ici les perspectives maritimes de Kherson, ni les plavniks de Doutchina, ni l'allure joyeuse et hardie d'Ekaterinoslav. Près des cataractes, le fleuve a toute la profondeur et toute la tranquillité d'un beau lac. Pas une ride, pas une vague n'en altère le sombre azur. Son lit est encaissé par des rochers de granit dont les blocs gigantesques semblent avoir été entassés au hasard par la main des géants. Tout est grandiose, solennel dans le spectacle de cette nature primitive. Rien n'y rappelle la fuite et les ravages du temps. Point d'arbres qui s'effeuillent sur la rive, point de gazon qui se flétrissent, point de terrain rongé par la vague. C'est l'image d'une éternelle immobilité. Aussi, le Dnieper atteint-il dans ces parages des profondeurs que la sonde n'a jamais pu mesurer, ce qui autorise les pêcheurs à supposer et même à soutenir qu'il renferme dans ses abîmes de véritables monstres marins. Chacun d'eux a vu le silure, requin d'eau douce dont les mâchoires ne s'effraient pas d'engloutir un homme ou un cheval, et à ce sujet, mille histoires vous sont racontées et vous transportent sur les bords du Nil ou du Gange, dans la patrie fortunée des rapaces alligators. Parmi ces aventures, il en est une qui ne remonte qu'à une date fort récente, ayant eu de nombreux témoins, celle d'une jeune fille lavant son linge au bord de l'eau, qui fut entraînée par un silure au fond du Dnieper et dont le cadavre n'a jamais reparu à la surface. À quelque distance de la maison de M. Marcus, le propriétaire de la mine, on distingue de l'autre côté du fleuve un village allemand composé de jolies fabriques rouges à contrevent vert. La forêt qui l'environne et le voisinage du Nil, avec ses falaises brillantes au soleil, ont une physionomie si douce, si attrayante, qu'on se surprend, en contemplant ce délicieux tableau, à rêver de ce bonheur calme, limpide, dont nous avons tous l'instinct au fond du cœur. Plus loin, à l'horizon, le regard découvre les aiguilles, les masses de granit brisées et les flocons d'écume des cataractes. Ça et là, quelques rochers à fleur d'eau, parmi lesquels l'un d'eux surnommé le brigand et l'effroi des mariniers, servent de retraite à une infinité d'oiseaux aquatiques dont les cris bruyants accompagnent longtemps le voyageur que le bac emporte d'une rive à l'autre. Toute cette scène est gaie, pastorale, comme un tableau de Greuze. Mais en revanche, les collines pelées qui suivent les ondulations de la rive gauche du fleuve ne présentent que tristesse et aridité. Notre première halte en quittant les cataractes eut lieu chez un intendant de village en qui nous reconnûmes avec surprise un Français doué de l'accent le plus parisien que j'ai jamais entendu. Marié à une petite Russienne, il exerce depuis 2 ans les fonctions de prikatchik, intendant, dans un des villages du général Markov. il mit toute sa maison à notre disposition, avec un empressement qui nous fit comprendre son plaisir à recevoir des compatriotes. D'excellents miels, de la crème et des pastèques nous furent servis à profusion, mais malgré nos instances, nous ne pûmes le décider à partager cette collation, et cela nous fit une impression pénible. L'air de l'esclavage est-il donc si contagieux qu'on ne puisse le respirer sans perdre de sa dignité personnelle? Cet homme, né dans un pays où les préjugés de caste sont presque effacés, se dégradait volontairement à nos yeux en se jugeant indigne de s'asseoir à nos côtés, tout comme s'il fût né serf et qu'il eût été habitué dès son enfance à la servitude. Il nous raconta succinctement sa vie, triste tissu de déception et de misère, son ardeur et sa mauvaise tête d'enfant de Paris, ses efforts et ses espérances, toutes choses qui sont venues se flétrir dans une atmosphère de dégoût et d'humiliation, bien capable de détruire en lui jusqu'à l'amour de la patrie. Aussi est-il, par suite de ses rapports, autant avec les maîtres qu'avec les serfs, aussi dur, aussi cruel, aussi égoïste que le russe le plus renforcé, ce dont il convainc lui-même avec un cynisme qui me révolta. Tout le village est consterné des punitions qu'il inflige chaque jour pour les fautes les plus légères. Nous en eûmes une preuve bien saisissante peu de temps après notre arrivée. Pendant qu'il causait avec nous, on vint l'avertir que selon ses ordres, deux femmes et trois hommes venaient d'être conduits sur le lieu de l'exécution pour recevoir tant de coups de knout. Eh bien, malgré l'horreur que nous causa l'appréhension d'un tel supplice, malgré nos prières, il ordonna qu'on distribuât à chacun 50 coups de bâton et le double s'il faisait les récalcitrants. Ce malheureux se venge ainsi sur les moujiks de ce que l'aristocratie russe lui a fait souffrir, et c'est une triste revanche. Dans son intérêt même, il ne devrait pas exaspérer les paysans qui rêvent de temps à autre de terribles représailles. Plusieurs fois déjà, on a tenté de l'assassiner, et quoique les coupables aient payé cher leur témérité, il pourra bien un jour être victime d'une haine plus habile ou plus heureuse. Dans la semaine qui précédait notre arrivée, eut lieu, à ce que nous raconta sa femme, une tentative plus audacieuse que les autres, de la part d'un paysan qui, dès le principe, s'était déclaré son ennemi. Après une longue tournée dans les champs, l'intendant alla s'asseoir au fond d'un ravin ombragé de quelques arbres. Vaincu par la fatigue et la chaleur, il finit par s'endormir, mais non sans avoir placé ses deux pistolets à côté de lui. Une crainte instinctive dominait son sommeil et lui permettait d'entendre le moindre bruit qui pouvait se faire aux alentours. Le corps dormait, l'âme veillait. Tout à coup, un son suspect frappe ses oreilles. Il ouvre les yeux et voit un moujik se baisser lentement pour ramasser un de ses pistolets. Le regard du paysan trahissait tant de férocité et ses mouvements avaient un calme si étrange qu'on ne pouvait douter de son intention. L'intendant, avec un sang-froid admirable, se lève à demi sur son coude et lui demande, tout en bâillant, ce qu'il compte faire de ce pistolet. Le moujik, lâche comme un assassin, prend aussitôt l'air de niaiserie et de fausseté particulier au serf russe et répond qu'il était bien aise de voir comment un pistolet était fait. Ce disant, il présente l'arme à son maître, sans paraître le moins du monde déconcerté. Ce malheureux faillit mourir sous le knout, et la petite Russienne ajouta à ce propos, avec une naïveté tout à fait russe, qu'il aurait bien mieux fait de mourir tout de suite. Nous eûmes encore dans ce village l'occasion de remarquer combien ces gens-là ont peu de compassion les uns pour les autres. Ils regardent battre un de leurs camarades sans manifester la moindre émotion et sans qu'une punition aussi dégradante leur fasse faire le moindre retour sur leurs conditions. On dirait que l'humanité n'a plus aucun droit sur leur cœur, tellement la servitude a détruit en eux toute puissance de sentir et toute dignité personnelle. Nous quittâmes cette station sur les 6 heures du soir, ayant encore une vingtaine de verstes à faire pour arriver au premier village des colonies allemandes de la Molokhnia où nous comptions passer la nuit. Grâce aux mauvais chevaux et aux cochers stupides que nous avait donné notre compatriote, nous avions à peine franchi un quart du trajet que déjà nous étions complètement enveloppés par l'obscurité. Le cocher, tout meurtri par la brutalité de son maître, qui lui avait distribué en notre présence une demi-douzaine de soufflets, changeait à chaque instant de chemin selon son caprice, sans s'inquiéter des nouvelles corrections du même genre qu'Antoine faisait pleuvoir sur sa tête en manière d'admonition. Il nous fit perdre ainsi un temps infini et dépensa en outre en pure perte toute la force de ses chevaux. On ne peut rien imaginer de plus ennuyeux et de plus monotone que de voyager dans les steppes, dont l'uniformité devient véritablement décourageante pendant la nuit, alors que l'on court à chaque instant le risque de tourner le dos au but de son voyage. C'est l'immensité de la mer et une boussole qui rendraient souvent de véritables services. Cependant, l'instinct des paysans leur fait parfaitement trouver leur chemin à travers les innombrables sentiers qui se croisent en tous sens. La nuit la plus obscure, le chasse-neige le plus violent, rien ne les empêche d'arriver droit au but sans avoir dévié un instant de leur route. Notre cocher faisait malheureusement exception à la règle commune, ou plutôt il entrait plus de mauvais vouloir que de maladresse dans l'embarras où il paraissait se trouver. Quoi qu'il en soit, notre perplexité augmenta considérablement quand nous vîmes que les chevaux ne voulaient plus avancer. La nuit était fort sombre, aucune lumière, aucun bruit ne nous annonçait le voisinage d'un lieu habité. À chaque nouvelle question que nous adressions au cocher, nous ne pouvions obtenir que cette réponse laconique. « Nesnaï, je ne sais pas. » Et quand un Russe a répondu qu'il ne sait pas, aucune puissance humaine ne peut lui faire dire qu'il sait, pas même les coups de bâton. Nous en eûmes la preuve ce soir-là. Le Cosaque, fatigué de questionner en vain le malheureux cocher, commença à lui caresser les épaules d'un long fouet qu'il portait par précaution à sa ceinture, correction qui n'eut aucun résultat. Il ne nous restait plus qu'un parti à prendre si nous ne voulions passer la nuit à la Belle Étoile. Le Cosaque détela l'un des chevaux et s'en alla faire une reconnaissance aux alentours, dans l'espoir de découvrir quelque indice qui nous permît de continuer notre route. Après une absence qui nous parut fort longue, il reparut en nous annonçant le voisinage d'un village allemand, nous assurant qu'une heure de marche nous suffirait pour l'atteindre. Mais il fallait pour cela que les chevaux se remissent en marche, et la force leur manquait totalement. Le Cosaque nous tira encore d'embarras en s'avisant d'atteler à la voiture un pauvre petit poulain qui avait suivi sa mère sans se douter qu'il commencerait dès ce soir-là son rude apprentissage. Ce renfort, tout faible qu'il était, nous permit d'avancer, quoique bien lentement. Mais enfin, des aboiements vinrent rendre du courage à nos bêtes qui se mirent à trotter pour la première fois de la soirée. Une forêt de beaux arbres et des lumières éloignées nous annoncèrent décidément le village. Ce n'étaient plus ces cattes sortant du sol aride comme de vrais champignons, sans un seul arbrisseau pour les égayer. Nous entrions dans les colonies allemandes, fraîches oasis de ce grand désert qui s'étend jusqu'à la mer d'Azov. Les émanations des arbres fruitiers en fleurs, jointes à la vue des gracieuses maisonnettes rouges que nous distinguions à travers le feuillage, nous transportèrent bientôt loin des steppes russes. La joie que cause à tout voyageur perdu au milieu des sables africains l'apparition d'un bois de palmiers ne peut être plus vive que la nôtre lorsque nous entrâmes dans ce joli village portant le nom de Rosenthal, vallée des roses, qui témoigne de l'imagination poétique des Allemands. De grands jardins nous forcèrent à faire un long détour pendant lequel les lumières que nous avions vues briller s'éteignaient l'une après l'autre à notre grande mortification. Comment découvrir au milieu de ces habitations, enfouies sous les arbres, celle du Schulz, maire, auquel nous devions demander l'hospitalité. La chose était difficile et nous passâmes une bonne demi-heure en vaine recherche. Quelques loustics du pays finit par nous indiquer une maison située au fond d'un jardin dont la porte était ouverte. Bien vite, nous plantons là notre piètre équipage et courons à cette heureuse demeure avec l'espoir d'y trouver un bon souper et un bon lit, comme dit la chanson. Mais arrivés en face de la maison, nous n'eûmes qu'à lui jeter un coup d'œil pour comprendre qu'elle était abandonnée. Les fenêtres ouvertes, les portes sans serrure, les volets brisés, ne pouvant nous laisser aucun doute. Décidément, il fallait aller souper ailleurs. Pendant ce temps, le cosaque réveillait tout le voisinage en frappant sur une porte voisine, si bien qu'un brave colon mit le nez à la croisée, demanda des explications et nous offrit de nous conduire à la véritable maison du Schulz. Un moment après, nous le vîmes traverser son jardin, glissant comme un fantôme à travers le feuillage, et cette apparition, jointe à l'étrange demeure délaissée que nous avions en face de nous, acheva de donner à ce qui nous entourait un aspect tout à fait fantastique. Aussi, eus-je grand-peine à ne voir dans l'ombre blanche qui glissait mystérieusement sur la pelouse qu'un bon gros Allemand en caleçon et en bonnet de coton. Le lendemain matin, la femme du maire fit porter sous une charmille un déjeuner composé d'excellents moka, de gâteaux tels que les ménagères allemandes en ont seules le secret et d'une crème épaisse et parfumée qui me rappela les montagnes de la Suisse. Quelques articles touchant les colonies allemandes, insérés par mon mari dans le journal d'Odessa, furent en grande partie la cause de l'accueil cordial de ces braves gens, déjà si portés par leur caractère à recevoir l'étranger avec l'hospitalité pleine de bonhomie qu'on ne retrouve plus qu'en Allemagne. La contrée qu'occupent ces colonies n'a plus aucune ressemblance avec les steppes russes, quoique la configuration du sol y soit la même. Les villages très rapprochés les uns des autres sont tous construits sur le même plan et abrités pour la plupart dans des ravins. Les maisons, bâties en bois ou en briques rouges et bleues, avec le toit fortement ensailli, n'ont qu'un rez-de-chaussée élevé. Entourées de jardins, elles font au milieu de la verdure des arbres un effet délicieux grâce à leurs murs peints de diverses couleurs, à leurs cheminées en bois sculpté ainsi qu'à leurs belles toitures en paille qu'on peut comparer aux fines nattes d'Égypte. L'identité des constructions se remarque partout et dans les plus minces détails. Quelques maisons seules se distinguant par un peu plus de peinture ou de sculpture et une balustrade plus élégante devant le jardin. L'aspect des champs de labour annonce d'excellents cultivateurs, sachant apprécier tout ce qu'un terrain vierge offre de ressources à celui qui veut l'exploiter. Un magnifique bétail couvre leurs prairies. Des bergeries et des puits placés de distance en distance animent le paysage et rompent la fatigante monotonie de la plaine. Tout accuse dans ces riantes colonies les avantages d'une vie laborieuse et la prospérité des colons. Mais il faut voir l'intérieur des maisons pour apprécier les habitudes d'ordre et de travail qui servent de base aux jouissances de la vie de famille. Non seulement cet intérieur est amplement pourvu de tout ce qui est nécessaire à la vie, mais il renferme encore presque toujours un confortable assez rare chez les nobles russes. On pourrait même accuser les colons d'un peu de sensualité à la vue de leur lit chargé de coussins et d'édredons qui s'élèvent jusqu'au plafond. Un beau poêle en faïence, une armoire vitrée contenant des plats, des tasses et souvent de l'argenterie. Des meubles frottés avec soin, des rideaux aux croisées et partout des fleurs. Voilà ce qu'on est sûr de trouver dans toutes les habitations. Partout, ces braves gens nous reçurent avec les plus grands témoignages de considération. À peine arrivions-nous dans un village, la plus belle maison du lieu était immédiatement offerte et toutes les ménagères se mettaient à l'œuvre pour nous bourrer de gâteaux, de café, deux crèmes de friandises les plus raffinées. Puis, quand nous voulions partir, les meilleurs chevaux nous conduisaient rapidement à un autre village où nous attendait la même hospitalité. À Orlov, nous passâmes deux jours chez un colon fort riche et le plus philanthrope de toutes les colonies allemandes. Établi depuis une quarantaine d'années dans le pays, M. Corniès débuta sans argent, n'ayant comme les autres qu'un coin de terre aride et quelques instruments aratoires. Au bout de quelques années, chacun enviait déjà sa fortune, mais tous rendaient justice à sa sollicitude pour quiconque avait été moins heureux que lui. Doué d'une activité pleine d'intelligence, dévoué à la cause du progrès, il s'est ensuite constitué le chef de la civilisation des Tatars Nogaïs et, comme nous le verrons plus tard, il poursuit aujourd'hui avec le plus grand succès l'œuvre si habilement commencée par un de nos compatriotes, le comte Maison. M. Corniès est actuellement membre correspondant de l'Académie de Saint-Pétersbourg et l'on cite de lui plusieurs mémoires remplies de recherches savantes et remarquables par la portée de leurs idées. Aussi jouit-il d'une grande réputation, non seulement parmi ses compatriotes, mais encore dans toute la Russie méridionale. Ses troupeaux, ses pépinières, ses laines intéressent tous les industriels qui ont pour la plupart adopté les procédés dont il se sert pour le perfectionnement de la culture et l'élève des troupeaux. Quoique M. Corniès possède plus d'un million, sa manière de vivre n'en est pas moins conforme au rigorisme et à la simplicité des Mennonites dont il fait partie. Les mœurs de ces sectaires sont d'une rigidité qui exclut de la vie de famille tout ce qu'elle offre ordinairement de charme et d'abandon. La femme et les filles d'un Mennonite, quelle que soit leur fortune, sont les seules servantes de la maison. Et nous vîmes Madame Corniès et sa fille nous servir humblement à table, tout comme si elles n'eussent eu aucun droit d'y prendre place avec le chef de famille. Malgré cette inégalité apparente entre les deux sexes, les Mennonites font d'excellents ménages. Du reste, pour bien juger tout ce qui touche aux peuples étrangers, il faut voir les choses avec les yeux que donne à chacun l'éducation qu'il reçoit et les mœurs au milieu desquelles il vit. La mise des femmes est simple et modeste comme leur existence. Elle consiste en une robe de cotonnade bleue dont le corsage ne descend qu'au bas du sein. Un tablier de la même étoffe et une collerette blanche à ourlet plat complètent ce costume que toutes portent invariablement. Leur coiffure, de même que celle des Alsaciennes, est un petit bonnet noir, sans garniture, posé sur des cheveux relevés à la chinoise et s'attachant sous le menton. Autant il va bien au jeune et frais visage, autant il enlaidit encore la laideur des vieilles femmes. Quant aux hommes, leur habillement est le même que celui des paysans d'Allemagne, à quelques légères modifications près. Un plat de viande et deux plats de légumes composent tout le dîner d'un Mennonite. Chaque convive a devant soi un grand verre de lait qui remplace le vin. L'usage de cette dernière boisson étant complètement proscrit de leurs habitudes. Les colonies de ces sectaires n'ont point de prêtres attitrés, les membres les plus âgés et les plus considérés de la communauté étant seuls chargés de remplir les fonctions de ministres qui sont décernés par élection. Ce sont eux qui, tous les dimanches, lisent la Bible, font le serment et entonnent les cantiques qu'ils chantent en chœur avec leurs coreligionnaires. Les Mennonites sont généralement instruits, mais l'instruction, comme la richesse, ne porte aucune atteinte à la simplicité patriarcale de leurs mœurs. Nous eûmes l'occasion de voir un jeune homme d'une des plus riches familles de cette colonie à son retour d'un long voyage. Il avait visité la France, la Suisse et l'Allemagne, et cependant, ce fut avec le plus vif empressement qu'il revint partager les travaux d'agriculture de son père et de ses frères. Fin du deuxième chapitre.